Mercredi 5 juillet, 22h57. Je descends la rue dans la chaleur de la nuit, pas mal de monde, pas mal de bruit, un léger souffle d'air tiède traverse mon t-shirt et glisse sur ma peau. Ça fait comme les caresses d'une ado timide. Les trottoirs et la chaussée sont pleins, il y a tout, des blancs, des turcs, des quinves, des indiens, des albanais, des paquis, des gens pouilleux, des gens sapés, des filles jolies. J'en croise une plus âgée que moi et je me dis que j'aimerais bien essayer une fois pour pas mourir idiot. Je circule entre les épiciers, les taxiphones, les kebabs louches, les affiches de chanteurs du monde mondialement inconnus et les bars branchés, où j'ai jamais trop su comment me tenir, mais c'est pas grave, si certains y sont bien, alors c'est bien. Ça sent le cumin et le safran, la bière renversée, la cigarette, la viande grillée, ça sent l'été, le vrai, celui qui répare. Mais déjà je dois m'engouffrer dans la station, c'est pas grave, ce soir rien peut me toucher, je flotte au-dessus du sol, les planètes sont alignées. Dans les galeries, pas de grosses surprises, encore cette odeur douteuse et ces 4x3 toujours pas indispensables pour un film obscur qui fera sûrement un four, une comédie raston. La énième tournée d'adieu d'un groupe de vieux musiciens aux cheveux teints pour des spectacles de jeunes comiques en théorie pas hyper marrants, pour des marques de vêtements portées par des filles qui ont l'air d'avoir des problèmes avec leur père et une campagne pour la mobilité qui sensibilisera peut-être personne mais avec une actrice plutôt mignonne. Et là je recroise ces deux filles longilignes qui se tiennent par la main, exactement les mêmes que j'ai vues hier près de chez mon oncle. Je trouve ça touchant et étrange, autant que cet immense guinéen au bout du couloir qui braille avec une voix métallique, comme un putain de corps tibétain. Une goutte d'eau croupie tombe des poutres Eiffel dont la peinture fait des cloques, elle atterrit dans mon cou, c'est dégueulasse mais j'ai pas le temps de jurer, j'entends la sonnerie de la rame au loin. Ce soir rien peut me toucher, je flotte au-dessus du sol, les planètes sont alignées. Violon bizarre, je me demande quelle vie il avait avant, tandis qu'il anime mon trajet et celui du groupe de ricains à côté. Ils ont l'air un peu perdus avec leur physique tout lisse de gros bébés du futur. J'arrive à mon changement, je passe devant les vendeurs de fausses clopes à la sauvette qui courent, qui crient presque jour et nuit. Ça m'effrayait parfois quand j'étais gamin et qu'on venait dans le quartier avec ma mère et les frangins, mais maintenant ça va, maintenant c'est cool. Je monte vers le quai de la plateforme aérienne et à chaque fois que je suis là, bizarrement, je repense à cette fille avec qui j'ai fait l'amour pour la première fois. Elle habitait juste à côté. On m'avait dit que c'était un peu une traînée, mais en vrai pas tant. Ça avait été une jolie nuit. Je laisse mes pensées dériver où elles veulent, constatant avec satisfaction le plaisir d'arriver à faire rouler les images et les mots comme sur des colliers de perles. Mais j'oublie pas que je dois faire des chansons. Dans tous les cas, ce soir, rien peut me toucher. Je flotte au-dessus du sol, les planètes sont alignées. J'ai 27 ans, bientôt 28. C'est fou comme le temps file. J'ai 27 ans, bientôt 28. Et je pourrais me dire que mes belles années sont derrière moi. 27 ans, bientôt 28. Pourtant j'ai pas de regrets. J'ai 27 ans, bientôt 28. Mais ce soir j'ai l'impression d'être en 98. Et toujours la chaleur dehors, j'avance sous la voûte des marronniers qui font comme une tonnelle. Je serais bien allé dans les magasins pas loin chez ces mecs pas méchants, mais un poil suffisant, poser mes doigts sur un instrument, mais c'est fermé, et puis faut que j'avance. Tout d'un coup, sorti de je sais pas où, de la musique genre malienne, mais chantée en espagnol ou peut-être de la folk indienne. En tout cas, un truc que j'ai jamais entendu et j'aime bien. On dirait dire prudence, y a des drums ronds, des maths et asynchrones. Ça intéresse pas beaucoup les blédards des œuvrés qui traînent dans l'allée, on n'arrête pas à le bisaler, ça s'enjaille, ça s'embrouille. Y a une odeur nouvelle dans l'air depuis quelques temps, une odeur d'apocalypse. Je me surprends à penser que le déclin est arrivé, ça y est, c'est pour nous. Et malgré tout, je suis pas si inquiet, après tout faut arrêter, on a de la ressource, on n'est pas les derniers burnés, on va se démerder, bref. Je suis arrivé en bas de l'immeuble terminus, je dois monter. Ce soir rien peut me toucher, je flotte au-dessus du sol, les planètes sont alignées. J'ai 27 ans, bientôt 28. C'est fou comme le temps file. J'ai 27 ans, bientôt 28. Et je pourrais me dire que mes belles années sont derrière moi. J'ai 27 ans, bientôt 28. Pourtant j'ai pas de regrets. J'ai 27 ans, bientôt 28. Mais ce soir j'ai l'impression d'être en 98. C'est excellent. C'est merveilleux. Un groupe que j'adore, mais que j'écoutais pas beaucoup. depuis la nuit dernière où je préparais, que je mettais en bouteille. Ben oui, je vais vous parler un peu de mon côté brasseur. Je suis rendu dans le grand monde du brassage, là. Je me la brasse avec grande joie. Oh! J'ai embouteillé la nuit dernière une blanche à la Volga. Bien sûr qu'il y a des... Quand j'ai parlé de ça à mon vendeur, pas mon vendeur de Volga, mais mon vendeur de bière, parce que j'achète ça dans un ensemble et c'est moi qui décide de placer ce que je veux à l'intérieur de ma gourde, de mon... comment tu peux appeler ça, madame? On appelle ça dans... Un éventreur, regarde l'autre. C'est pas les... Non, c'est pas à Boston. On n'est pas à Boston, là. On est à Québec. C'est pas l'étrangleur, là. Ah, non. C'est une cuve dans en plastique dans laquelle on fait dormir, on fait macérer, pour ne pas dire, parce que je veux pas non plus vous rentrer dans les grands détails de la conception de la bière. Mais on fait fermenter. Alors, on va appeler ça un fermenteur. Pas un menteur, mais un fermenteur. Y en a-tu des fermenteurs? Oh! Notre société en garde dans ses petites poches, là. Ou dans ses grosses poches. Ou plutôt dans son chapeau. Son chapeau de magicien. Là, t'es voix après l'autre sortir du chapeau, là. Hein? Les médias en parlent. Puis ils sont tout contents de passer là. Puis... Au moins, ils ont cette intelligence-là. Minime, mais là. Les deux pieds dans le chocolat. Minime, mais là. Si je passe 15 secondes dans cette boîte lumineuse que l'on appelle télévision, en plus, elle n'est même pas lumineuse. Ah oui, elle projette pas, oui, exactement. Oui, vous savez, on parle à l'oreillette. Oui, le cinéma, on projette. Mais la télévision, on vous propose quelque chose. C'est la lumière qui arrive à vos yeux. Et non pas l'inverse. Quoique. Être heureux de passer à la télévision, sa journée d'insignifiance, sa minute d'insignifiance. Alors, on va venir aux fermenteurs, c'est plus intéressant. Aux fermenteurs, les fermenteurs. Ah! Oh, non, mais il raccroche, lui. Il raccroche puis il décroche. Il est comme ça. Il faut lui pardonner. Oui. Puis vous voulez savoir le nom du groupe qu'on vient d'entendre? Deux pièces musicales exceptionnelles? Eh bien, c'est les Fauves. Pas les Nuits Fauves, mais les Fauves. Ou peut-être même juste Fauves. On va regarder ensemble. Juste Fauves. Mais pas juste J-U-S-T-E. Mais enlevez ça, là. Je vais vous dire le titre. Deux points. Fauve. C'est le nom du groupe. Faut le dire. Sans gêner. Mais je connais pas le deuxième opus. Moi, ce que j'ai entre les mains et ce que j'écoute, c'est celui de 2015 qui s'appelle Vieux Frère Prise 2. Il doit avoir une prise 1. Prise 1. Et j'écoutais ça. En plaçant en bouteille ma blanche à la Volga, que mon fournisseur de bière, parce que moi je jette ça en liquide, on était rendu là. Mais attendez, tu mets ça dans ton fermenteur, puis après ça tu rajoutes ce que tu veux. C'est là l'intelligence et c'est là que le goût peut bifurquer. Et surtout, moi je veux pas coller à l'étiquette. J'ai jamais voulu coller sur aucune étiquette. Oh non, jamais. Mais encore moins pour la bière. Parce que je connais quelqu'un qui m'a dit « Ben oui, mais ce serait bien que tu fasses la recette que l'on te propose. » Non. Pas moi. Pourquoi? Parce que de un, le taux, et ça c'est très important là, quand on fait de la bière, on ne fait pas de la limonade, là, le taux d'alcool. Très important, le taux d'alcool. Veux-tu un taux haut ou un taux bas? Si tu veux un taux bas, parle pas avec moi. Si tu veux avoir un taux haut, je serai réglo. Pas pire, hein? On dirait de la Clémence Desrochers qui a décroché un peu, là. Quoi qu'elle a décroché de même, elle est, hein? Les coulisses, là, bon. Et puis, donc, pourquoi la Volca? Parce que la blanche proposait un taux d'alcool qui me convenait plus ou moins. Puis je me suis dit, vodka et bière, tu sais, y a-tu quelqu'un qui nous écoute ce soir, qui n'a jamais placé dans son verre de bière un alcool fort? Y en a? Levez la main. Je vous vois pas allumer la lumière, parce qu'à cette heure-là, allumez la lumière. Dites, oui, c'est moi, oui, c'est... Ah oui, OK, y en a... oh, j'en vois une. Une d'or, elle rigole. Je t'ai vu. OK, bon. T'as eu cette... Moi aussi, je l'ai eu. Alors, on est deux. On pourrait communiquer. Rénal Québec à commercial@hotmail.com. C'est trop vite, hein? Rénal Québec, RYNALDQUEBEC à commercial@hotmail.com. Puis on va s'écrire pourquoi toi aussi tu as eu cette même, ce mimétisme, cette interrelation, peut-être à des moments différents, là, mais quand même, quand tu te dis que tu n'es pas tout seul à t'imaginer que la Terre est ronde, il y en a 3-4 dans ton clan, puis l'autre à côté qui dit que la Terre est plate, il y en a malheureusement 3-4 aussi dans son clan. C'est plus dangereux son clan, oui, lui, c'est plus dangereux. Parce que moi, je me dis là-dedans, pendant toute sa vie, toute son existence, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de trouver le précipice. Le néant. Où la Terre finit. T'as fini où la Terre? Sur une bulle de bière, dans une bulle de bière qui explose en haut du verre. Que c'est beau, là, ça fait pouf. Ouais, vous l'entendez pas, là. Je vous conseille, si vous êtes équipé, êtes-vous équipé, monsieur, vous êtes équipé pour veiller tard, quelle heure, jusqu'à la fin de l'émission, ben c'est bien ça. Si vous êtes équipé, pas pour veiller tard, mais pour capter le son, il existait il n'y a pas longtemps, je peux pas le nommer parce que c'est encore des magasins aux États-Unis qui font des recettes, mais ça s'appelait, oui, exactement, ça s'appelait radio. Disons, Radio Snack. Okay, oui, alors, OK, Radio Snack. Tu allais chez Radio Snack, tu pouvais trouver un fil trois quarts qui pouvait rentrer dans un branchement femelle magnéto audio in. Tout le monde comprend? C'est pas compliqué? Non. Peu importe. OK? Il y avait un adaptateur qui allait de votre magnétophone jusqu'au téléphone. Puis, ce qui captait le son, c'est une ventouse. Non, je ne veux pas la faire. Non, parce que je vais me dire, je dois être obligé de couper. Mais j'ai le goût de vous faire une chanson de ventouse, mais je peux pas. Parce qu'on appelle ça censure. Ouais. Et ça me trémousse. Là. En tout cas, tu collais ça sur ton récepteur de téléphone. Et... tu pouvais entendre l'autre qui parlait et toi aussi. Donc, si vous avez encore ces micros rétro, placez ça sur votre verre de bière. Vide. Pas le micro, mais le verre vide. Ensuite de ça, écoutez bien, là, c'est important. Ensuite de ça, vous ouvrez votre bouteille et vous laissez couler. Et grâce à ce micro ventouse, vous allez entendre les bulles exploser. Là, vous vous demandez, ai-je le son que je viens de vous relater? Mais non! On va se laisser l'imagination galoper. Donc, pendant quelques secondes, là, on va entendre ça, ce bruit-là. OK? Des bulles qui éclatent. Pas des bulles dans un bain. Là. Je bois de l'eau au lit. Non, mais des bulles de bière. OK, on y va. On se concentre, là. On voit à l'intérieur. On ferme les yeux. D'accord, madame? Fermez les yeux. La bouche aussi, parce que vous allez rire. Regardez-la. Oh, hey, coquine. La petite coquine. Pas la petite Birkin, la petite coquine. Birkin, là. Baby, non. Non, moi, c'est coquine, la coquine. Alors, on ferme les yeux. On se concentre tranquillement. Vous sentez que ma voix aussi suit l'hypnose. Et dans quelques secondes, nous allons vivre quelque chose de très intense. Montez le son. Je ne me mettrai pas à crier. Ne vous en faites pas. Les enfants dorment. Parfait. Montez le son. Juste pour m'entendre comme ça, là, au diapason. Parfait. Vous m'entendez, là? Là, c'est l'instant extraordinaire que nous allons vivre ensemble. Pour vivre ensemble, il faut savoir l'aimer. Mais c'est pas ça. Chante lentement, tranquillement, pour ne pas réveiller l'enfant ou les enfants dans votre demeure. Si vous n'en avez pas, ceux qui viendront. Si ce n'est pas à vous, c'est les autres. Quand vous allez déménager, il va y avoir des enfants là-dedans, là, dans cette maison-là, là, dans cet appartement-là, là. Vous n'êtes pas tout seul au monde, là. OK? Donc, on va écouter ensemble des bulles de pierre qui montent à la surface et qui viennent mourir. La mort de la bulle de pierre. Tragédie brechtienne. Attention, hein? Tragédie brechtienne en un seul temps. Premier acte. Comme au cinéma, dirions-nous. Acte, parce que c'est du théâtre. Hein, mais c'est de l'audio phonie pure. Okay? Action! Puis, as-tu passé quelque chose? Non? OK. Non, on va monter la baisser le volume. Non. Vous n'étiez pas assez concentré. Il faut être comme le jus, concentré comme le jus d'orange. Et j'en ai senti à travers ça qui continuaient à laver leur vaisselle, à ouvrir leur livre pour se dire qu'après l'émission, ils auront un devoir à faire. Non, c'est pas ça. Vous n'avez pas été. Je suis un tantinet déçu. Je me disais, bon, j'ai le public en or ou en argent ou en bronze. En bronze. Vous êtes un public de bronze ce soir. Mais la prochaine fois, la semaine prochaine, vous serez peut-être un public en or ou en argent. Mais quand même, le bronze, c'est trois. Il y a trois niveaux. Vous êtes en bas des trois. C'est quand même merveilleux. Bravo, je vous félicite. Bon. Non, mais j'ai rien contre. Il faut commencer bas pour monter. Comme disait Confucius, commence en bas de l'échelle et tu verras le sommet. C'est pas ça qu'il disait, mais moi, c'est un peu ce que je veux vous mentionner. Puis pourquoi pas continuer dans cette vague? Un peu comme on revient de la mer. Là. On a été à la mer cet été. On a aimé ça, la mer, cet été. Les tétés de la mer. Mais t'étais là, toi. Je t'ai vu. Tu te faisais griller au soleil. Baby, j'ai dit à mon épouse, on va mettre des œufs et du bacon. Il y a la température idéale. Puis là, tu sais, pendant tout l'hiver, là, ces gens-là, ces gars-là, ces filles-là, là, ça s'entraîne, hein? Parce que là, on va se montrer. Ils se couchent, là, comme un uppercut, le troisième round, couché à terre. Ça fait des bulles. Ça fait des bulles. C'est pas une bulle qui pète là, dans un verre de bière. Non, c'est le gars ou la fille qui a passé son temps là, à montrer ses biscottos dans un gym pour se dire cet été, moi je ferai pas un jardin cet été, je me ferai bronzer et je serai vu de tout le monde. L'apparence est importante. L'intelligence, pas. Pas besoin d'intelligence. Mais un corps de dieu ou de déesse dans une enveloppe, une belle enveloppe, se cache. On cherche encore. On a appelé Claude. On a dit, hey Claude, excuse-moi, on te dérange, là, aux petites heures. Mais t'aimes ça, les petites heures, mon Claude. C'est parce que là, on est à la recherche. Bon, on a des corps. Les esprits sont pas trop vivaces, mais est-ce qu'il y a de la matière à cultiver à l'intérieur de ces statues? Parce que c'est presque des statues, hein? Quand tu t'entraînes, là, c'est... Puis là, t'as une référence dans ta tête. Je veux ressembler à celui-là, hein? Je veux ressembler à Hercule. Là, à un moment donné, hein, il recule, pow! Il retombe par terre, commotion cérébrale. On appelle les ambulanciers, mouche à mouche, la French kiss, c'est l'amour, ils se marient, puis ils ont des enfants, ils peuvent pas.

transporter, entrer et sortir plutôt de l'oxygène, de l'air, pour te faire respirer. Sinon, ben, c'est terminé. Alors, tu demandes à ta garlotte, garlotte, ma petite crotte d'amour. Alors, tu peux, non, mais tu peux trouver des mots affectueux. Traite-la pas là, comme un membre corporel ou une structure corporelle de ton corps. Elle est essentielle, oui, certes, mais elle a besoin de respect. Une gorlotte, c'est une gorlotte, mais sans gorlotte, nous serions pas là. Qu'on se le dise, dites-le, appelez quelqu'un, là. Appelez quelqu'un, ayez un numéro en tête, là. Appelez, peu importe là, madame. Monsieur, arrêtez de... Il essaie de trouver son poste de... Non! Le poste de radio, pendant mon émission, devient translucide. Il réapparaît à la fin. C'est voulu. C'est pour que vous puissiez l'écouter sans fermer votre poste. Appelez quelqu'un et dites-lui. Allez-y. On va parler entre nous. On ne fera pas jouer une autre chanson des fauves parce qu'on va dire « Ah, Reynald, hein, il exagère toujours. » Quand il commence, il ne termine pas. J'ai toujours dit que j'étais 500% extrémiste. 500% extrémiste, c'est quand même pas mal. Puis quand tu l'es, ben, t'as pas peur. Estipe allongée sur les clowns qui gueulent sous les halbardes. Et cette vieille chinoise qui pisse dans la rue à 3 mètres de l'entrée du Franprix. Et la fille sur le quai, regard noir, sourcils froncés. Et les caractères de print qui nous traitent tour à tour comme des animaux ou comme des attardés. Et le cosaque fouilleux qui transporte sa maison de quartier en quartier. Et les cahiers qui s'abîment les mains dans la glace sous les cascades de néon bleu. Et le camion du SAMU qui nous frôle à toute bombe avec le souffle d'une locomotive. Et les sirènes et les gyrophares et les klaxons et les alarmes des tirs. Et les sept musiques de l'enfer. Et la mère bossue de ce vieux pote qui est devenu fou. Et ses amis fragiles qui font flipper. Et lui qui veut pas comprendre que tu pourrais le gifler avec des idées que ça rentrerait quand même pas. Et l'autre connard qui parle trop fort, trop mal, qui passe son temps à chier sur tout le monde. Et lui qui trouve pas parce qu'il cherche pas. Et lui qui veut se casser loin. Et elle qui a le regard vague. Et lui qui maîtrise pas son cerveau. Et elle qui est tombée malade alors qu'elle avait rien fait à personne. Et lui qui a plus d'élan vital. Elle est où ta rage, elle est où ta passion, elle est passée où ta goal de 6 mètres de long. Et elle qui comprend plus sa chatte parce qu'elle s'est faite sauter trop de fois sans qu'on la rappelle. Et ma tête qui me joue encore des tours, et moi qui galère à me mettre à couvert, qui me frotte de trop près au débris, qui me perd trop souvent dans le triangle des Bermudes, et les grands verres que je m'envoie sur une base régulière, une belle éponge, et l'odeur de feu de bois qui me colle à la peau, et ma tête dans le seau ce matin, et le champ de bataille quand je nous vois tous éparpillés, éclatés en vrac, et nous on se branle H24, puis qu'on se flagelle parce qu'on se branle, puis on dit qu'on fait, et en fait on fait pas, alors on dit pas, et puis on fait, puis on se fatigue, puis on s'excuse d'être malheureux, puis d'être heureux, puis de s'excuser, puis c'est le merdier, ça y est, c'est le merdier, continue à creuser, copain, continue à creuser, et moi qui doute, qui déconne à plein tubes, qui branle dans le manche, et mon projet qui me fait du mal parfois, mais putain, c'était pas prévu comme ça, et les rimes pauvres, les orgasmes arides, les fausses promesses, et les nouveaux visages de la bêtise. Maquillés comme les Renault trafic des putes de la gare de Caen. Et les fous furieux en trois pièces qu'il faudrait déboulonner. Et les cœurs qui s'envolent et le courage et l'espoir qu'on écrase enfin qu'on essaie. Et les belles choses qu'on fait tout pour abîmer mais ça bougera pas non. Et les miens qui ramassent et les miens qui avancent et les miens qui me soutiennent. Et les miens que je rejoins toujours et moi qui pousse ma voix comme une machette, comme une fronde, comme une balise. C'est pour mon salut. Aujourd'hui, oui, encore aujourd'hui, on est toujours aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes maintenant. Pour pas trop se mêler. Parce que quand tu travailles, hey, c'est vrai, tout à l'heure, je me suis assoupi pas en écoutant mon émission ou en faisant mon émission, mais avant, je fais toujours un petit somme. Je trouve ça un peu... Ouais, je préfère ça. Ça me recentre. On parle beaucoup de se recentrer. De trouver son yin et son yang. Ici, le yang est là. Où est le yin? À un moment donné, si tu le cherches, tu le trouves pas. Où il est le yin? Ou si tu es dans le yin, et où le yang? Quand on dit il faut aller le yin et le yang, est-ce qu'un peut manquer à l'appel? Est-ce qu'on peut appeler aujourd'hui, ce soir, cette nuit, devant vous, le yin et le yang? Avez-vous les, hein? Aimeriez-vous ça? Non? Vous n'avez pas d'intérêt à... Oh, vous voulez entendre mon invité, vous avez raison. Peut-être plus tard, le yin et le yang, dans une prochaine émission. J'écris ça, je prends ça en note, puis je ne vous demanderai pas si vous voulez l'entendre, parce que vous allez l'entendre quand même. C'est dur à publier quelquefois. Aujourd'hui. Non, mais j'avais le yin et le yang, nous aurions pu appeler le yin et le yang. Je suis en train de faire une petite crise, oui. Non, mais c'est... OK. Ouais, j'ai trop changé de... trop rapidement de personne. Désolé. Oh, je fais de l'hyperventilation. Je fais de l'hyperventilation. À quel endroit, hein? C'est ça, de l'hyperdestination? Je sais pas où je m'en vais, moi. Aujourd'hui, la destination... Mon destination, c'est mon destination, mon destination. Oh, on y va! Aujourd'hui, le lundi 27 août, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Oui, le cerceau, on va rentrer dans le cerceau. Rentre dans le cerceau, oh, oh, oh. Laissons sur la chaussée, les valises trop lourdes, Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de la chanteuse. L'incroyable, le Zouk, même, c'est Madame Zouk, Lydia Lawrence. Connaissez-vous ça, le Zouk? Aimeriez-vous ça en entendre du Zouk? Pendant quelques pièces musicales, je vous en diffuserai avec la voix charmante et cette grande dame de la chanson qui accompagne des artistes. Elle va vous le raconter elle-même beaucoup mieux que moi. Alors, à partir de maintenant, Lydia, bon, non, c'est mieux, c'est beaucoup mieux de dire Lydia Lawrence, à toi. Doucement, vas-y doucement, surtout prends ton temps, baby. Faisons-le doucement. À toi je m'abandonne. Je prends tout ce que tu me donnes. Je sais que la nuit sera bonne. Avec toi plus rien m'étonne. Fais-moi des choses. Vas-y, mets la dose. Ne changeons pas de pose. Rassure-toi, la porte est close. Ne te retiens pas. Non, non. Dis-moi des mots avec tes doigts sur ma peau. Oh, oh, oh, baby. Oh, explore-moi de bas en haut. Je veux que ce moment soit le plus beau. Oh, oh, oh, hey. Doucement, vas-y doucement. Surtout prends ton temps, baby. Faisons-le doucement. Doucement, vas-y doucement. Surtout prends ton temps, baby. Faisons-le doucement. Je n'ai plus ma tête à moi. Lorsque je suis dans tes bras, je te donne tout de moi. Ne te retiens pas. Entre nous pas de tabou. Tu as toujours su quoi faire pour me rendre fou. Je ne vais pas te mentir, je t'aime à mourir. Tu combles mes désirs, loin de toi me ferais souffrir. Doucement, vas-y doucement. Surtout prends ton temps, baby. Faisons-le doucement. Doucement, vas-y doucement. Surtout prends ton temps, baby. Faisons-le doucement. dans tes bras de soie. Tes doigts de fée me font couler. Je ne peux plus me contrôler. J'ai froid et j'ai chaud. Dis-moi des mots avec tes doigts sur ma peau. Oh, oh, oh. Doucement, vas-y doucement. Surtout prends ton temps, baby. Faisons-le doucement. T'as tout donné, c'est moi, moi entier. C'est la complicité entre nous, la machine à régler. Oublier ma vie, le soleil de minuit. Comment veux-tu que je t'oublie, toi qui m'as tout appris. À toi je m'abandonne, je prends tout ce que tu me donnes. Fais-moi des choses, vas-y, mets la dose. Doucement, vas-y doucement. Surtout prends ton temps, baby. Faisons-le doucement. Doucement, vas-y doucement. Surtout prends ton temps, baby. Faisons-le doucement. Faisons-le doucement. Faisons-le doucement. C'était hier. Ah, hier? Dimanche. OK. OK. On a fait quand même, même le, malgré le mauvais temps. Et c'était quoi le concept? C'est... chaque année, ils font ça. C'est les athlètes qui font... les athlètes qui font leur coup. OK. C'est des pour... Courses des courses de... De, c'est tous les athlètes en fait. Ok. Et c'est pour une grosse association. Qui vient en aide, hein? Qui vient en aide, ouais. À quoi? Eh ben, c'est parce qu'ils font beaucoup de choses pour les gens... défavorisés? Voilà. Ah, c'est bien. Et puis voilà. Et aider aussi pour la communauté créole. Ah! Oui, beaucoup. Et après, c'était super. Il y avait quand même 1700 athlètes. Malgré la pluie, c'est quand même pas mal. D'habitude, c'est 5000. Oh! Chaque année, c'est 5000. Mais là, on a eu 1700. Mais tu dis « on a eu », c'est parce que tu collabores toi aussi, tu travailles à... Chaque année, je chante là-bas. Mm. Alors, tu es attendue comme... Ouais, ah, une reine. Ah, c'est bien, c'est bien. Oui, oui. Écoute, enfin, Lydia, nous nous rencontrons. Mm-hmm. Alain, il vient d'appeler, il envoie le bonjour. Ah, OK, ah, bien, parfait. Lui, c'est demain, lui. Oui, c'est demain, oui. Mm-hmm. Tu es une fille quand même assez hétéroclite. Mm-hmm. Tu fais plein de choses, tu as fait plein de choses et tu vas faire plein de choses. Oui. En te voyant, je vois la Guadeloupe. Oui. Hein? C'est merveilleux, c'est oui. Le soleil. Oui, c'est vrai. C'est le bonheur, c'est la tranquillité. C'est vrai. C'est l'oasis de paix. C'est... Oui, c'est vrai. Est-ce que tu y retournes souvent? Oui, mais moi, je suis de Saint-Martin. Oui, mais je vais beaucoup ouais, en Guadeloupe. Et... Je vais beaucoup en Guadeloupe, je vais à Saint-Martin et en Martinique. Non, mais parce que ta mère est de Guadeloupe. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc, tranquillement, tu t'es comme associé à, ce, à cette Guadeloupe-là. Oui, que... cette culture qu'elle m'a inculquée, voilà. Mais Saint-Martin, est-ce que ça a changé avec les années? Ça a changé, mais c'est resté quand même très typique, très caribéen, très côté américain, anglophone, hollandais, oui. Et toi, tu as cultivé ton côté artistique à quel moment? Est-ce que enfin tu te montrais sur scène, tu voulais faire des spectacles, tu voulais que tes parents te regardent? Tout le temps. Quand j'étais petite, eh ben, ma mère, elle avait un peu du mal avec moi parce que c'est exactement ce que je voulais faire. Alors, de temps en temps, j'avais une claque à droite, à gauche, ah, redresse-toi. Oui, oui. Et puis, elle t'a trouvée extravagante. Pas vraiment extravagante, mais je savais ce que je voulais. Encore aujourd'hui, c'est ça qui est bien, ça n'a pas changé. Non. Tu sais ce que tu veux. Tout à fait. Tu sais ce que tu veux pas. Mais la famille de ma mère, c'est des musiciens aussi. Oui. Parce que ma maman, ses tontons, ses c'est beaucoup de la famille de ma mère, c'était des grands musiciens en Guadeloupe. Alors c'était déjà dans la famille. C'était quoi? C'était du jazz? C'était... Ils faisaient beaucoup de musique traditionnelle, oui, le tam-tam, voilà. On appelle ça le gros cas. Ce qui me plaît, parce que je diffuse quelquefois de la musique guadeloupéenne, mm-hmm. c'est la transe que tu le procures, c'est le oui. côté... Oui, c'est vrai. Et sur scène, parce que j'ai vu des vidéos, tu recrées ça aussi, c'est oui, tout à fait extraordinaire. Oui, oui. oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui t'a amené à vouloir chanter, à vouloir toucher à la radio, à vouloir... Depuis toute petite, j'ai toujours... je regardais Diana Ross, je regardais... Ah oui. Ah oui. Barbara, j'écoutais beaucoup Barbara Streisand et tout ça. Et puis, à 12 ans, je chantais beaucoup à l'école. Et puis, j'étais à la chorale de l'église, tout ça. Du gospel. Gospel music. Et ça m'a toujours... Et puis, un jour, je me suis dit, quand je serai majeure, je sais ce que je veux faire. Et à 17 ans, j'ai trouvé un groupe qui s'appelle... il s'appelait Ramon et les Femmes Libras. Ils m'ont fait monter sur scène devant... Il y avait peut-être 4-5 000 personnes. Et j'ai fait une prestation. Et c'est là que j'ai senti vraiment... C'est exactement ce que je veux. À 17 ans. À 17 ans. Et j'ai jamais arrêté. Mais après ça, il y a un groupe qui s'est formé, le groupe que tout le monde connaît. Oui, Cassav. Oui. Oui. En Guadeloupe. Et puis ça nous a donné. Mais tu n'es pas juste resté en Guadeloupe, ça a eu un succès. Mondial. En tout cas, chez nous. Oui, ça, oui, mondial, oui. Mais une fois que. Comment tu as pu les rencontrer, ces gens-là, ce groupe? Parce que après, quand j'ai quitté les Caraïbes, je suis venue en France pour. Élargir mon univers musical. Après, je me suis dit, c'est une belle référence, Cassav. Alors, quand je regardais la chanteuse Jocelyne Béouard sur scène, je disais, moi aussi, je vais sauter comme toi, moi aussi, je vais chanter comme toi, moi aussi, je vais faire comme toi. Tu lui parlais, tu étais. Oui, j'ai eu l'occasion de chanter à Lyon. Au moment où elle chantait, j'ai chanté après et on s'est rencontrés. Mais c'est une belle personne. Oui. Ouais. Voilà. Et puis après, on a eu quand même pas mal d'autres groupes comme Zouk Machine. Avant, Expérience 7. OK. Voilà. Après, Expérience 7, ils ont créé le groupe Zouk Machine, qui est la sœur de Christiane. Mais qui a eu vraiment une visibilité encore plus énorme, mondiale. Énorme. Et mais qu'est-ce qui fait que ça s'arrête tranquillement? Zouk Machine, on n'entend plus parler, ça n'existe plus? Si, okay. Mais c'est plus les mêmes personnes. Il y en a une qui est restée. Okay. C'est la leader du groupe? C'est Christiane, c'est mon amie. Okay. Ouais. Et elle s'est battue pour remonter Zouk Machine. Et puis aujourd'hui, je suis fière de son parcours parce que... Mais ça s'est arrêté à un moment donné, Zouk Machine? Oui, ça s'est arrêté parce que les autres filles se sont... On fait qu'avec les voilà. seuls, on trouve voilà. des... Mais elle continue son train de chemin. Mais pourquoi toi, tu es partie du groupe Zouk Machine? Ah, moi, j'étais pas dans le groupe. Okay. Moi, j'ai pris les groupes, j'ai pris Zouk Machine, les filles, elles ont fait les chœurs sur mes albums. Ah, oh, d'accord. Voilà. D'accord, okay. Et puis après, c'est vrai que quand elles tournaient, elles m'invitaient souvent à venir les voir. Puis j'ai eu l'occasion de chanter avec elles sur scène pendant un concert. Okay, c'est ça, voilà, j'ai chanté avec elles une fois. C'était à Chambéry, à Châles-les-Eaux. C'était un moment magique. Mais quand j'ai sorti mon premier album, c'est les Zouk Machine qui ont fait les chœurs sur mon album. Excellent, excellent. C'était quand même quelque chose d'assez grandiose. Ah bah oui, ah bah oui. Et puis on n'entendait que Zouk Machine dans les radios. Elles ont fait quand même 12 semaines top 50. Ah ouais, chez nous au Québec, c'était incroyable. Mais comment Patrick Sébastien est arrivé dans ta vie? En fait... Pendant 2 ans, approximativement? Oui, j'ai fait la tournée avec Patrick. En fait, Patrick Sébastien et moi, on s'est rencontrés à Chambéry, à Châles-les-Eaux, au casino. Il faisait un one-man show. Ça, c'est en quelle année, pour situer un peu le public? C'était en 98, okay. À peu près. Oui, à peu près. Et on m'appelle, on me dit, écoute, il y a Patrick Sébastien qui vient faire un one-man show. Viens voir le show. J'ai dit, oh... C'est pas mon genre, hein? Pas que c'est pas mon genre. J'avais autre chose de prévu. Après, ils m'ont dit, allez, viens, s'il te plaît. Alors, je dis, d'accord, je vais m'habiller, je vais entrer. Alors, je me suis fait toute belle et tout. Et j'arrive dans la salle et... Comme maintenant. Merci. J'arrive dans la salle et je rentre tranquillement, mais discrètement, parce qu'il était en pleine action. Alors, je ne voulais pas le perturber. Ouais. Alors, je me suis mis, il dit à tout le monde, arrêtez le show. J'avais les cheveux dans le vent, à la Tina Turner, super combinaison et tout. Il dit à tout le monde, arrêtez le show. Il arrête son show et il dit, waouh, c'est une actrice. J'ai pas répondu, je savais plus où me mettre. Toi, t'étais public, t'étais spectateur. Oui, tout à fait. Voilà, et il dit à tout son, il dit arrêtez le show, il arrête son show, il me fait waouh, c'est une actrice, c'est une artiste, c'est qui cette personnalité qui vient de rentrer. Il me dit tu fais quoi dans la vie, je dis rien du tout, je n'osais pas. Après il m'a parlé, après il m'a dit mais tu fais, c'est là que j'ai dit je suis chanteuse. Et il dit à René Cole qui était l'orchestre principal, paix à son âme parce qu'il nous a quitté René. Il dit à René Cole, écoute, elle fait ma tournée. Et c'est comme ça, j'ai tourné. Sur scène, il t'a embauché. Exactement. Et c'est devant le public. Devant le public. Et c'est comme ça, j'ai tourné avec Patrick. Il m'a ouvert les portes énormément. Mais il est d'une simplicité incroyable. Oui, mais c'est une personne qui est très généreuse. Et depuis ça, j'ai tourné, j'ai fait les premières parties des grands artistes comme Dave, oui. Le chanteur Dave. Et Annie Cordy. On va s'arrêter sur Dave un peu. Oui. Alors, j'ai fait la première partie de Dave. J'ai rencontré Pierre Bachelet. Et quand le temps se lasse de n'être que tu es, plus d'une seconde ne passe dans les vies d'uniformité. Quand de peine en méfiance, de l'homme en plus jamais, puis de débit en défiance, on apprend à se résigner. Il me dit que je suis sale. fait pas mal de personnalités. C'est la première partie de Pierre Bachelet. Voilà, tout ça. À Paris ou si tu pouvais sortir en Suisse, en Belgique? Non, c'était dans la France. On a fait Carcassonne, okay. Béziers, ah, oui, okay. Montpellier, tout ah, ça. Oui. Et après, quand j'ai fait la première partie de Dev, j'ai une photo avec Dev magnifique. Un truc qui m'a beaucoup touchée. Quand j'ai fini de chanter ma chanson, Dev, il court, il vient sur scène et il prend le micro et il dit à tout le monde « She is the best ». Et ça m'a touchée. C'est bien. Oui. C'est bien. Voilà. Puis la rencontre, parce que toi, t'es une fille de rencontre, c'est jamais le téléphone qui sonne, c'est toi qui te fait demander sur place. T'es comme... Oui, les gens m'appellent, mais je pense que c'est pas pour me donner des fleurs à moi-même, parce que ce serait trop prétentieux. Mais je pense que je suis quelqu'un assez ouverte. D'accessible. Voilà, et j'aime les gens. J'aime bien communiquer avec les gens. J'aime bien partager ces moments-là avec les gens. Et c'est ça que j'aime. Et Annie Cordy, comment ça s'est passé? Comment elle est entrée dans le téléphone? Annie Cordy, en fait, on m'a téléphoné pour faire le Téléthon. Oui. Et... tu as accepté, bien sûr. Bien sûr, c'est pour la bonne cause. Ah, oui. Justement, je le refais le 9 décembre, je le fais à Vannes. Okay. Des gens qui m'ont appelé pour le Téléthon. Alors, je vais faire... on m'a dit, oui, il y aura une artiste, une grande personnalité. Sans me dire le nom. Et puis après, quelques jours après, je prends le journal. Bonjour, on va voir quelque chose. Hein? Oui, moi, je prends un Coca-Cola, s'il vous plaît. Ah, ben moi aussi. Allez, deux Coca. Voilà, c'est merci. Bien. Alors, je prends le journal et je vois la grande dame Annie Cordy à Chambéry, le Téléthon. Alors, il y a la photo d'Annie Cordy, il y a ma photo. Je dis, ah, mais c'est Annie Cordy. Alors, je dis, mais mon Dieu, cette dame, qu'est-ce que j'ai rêvé d'être comme elle. Ah oui? Ah oui, ah oui. Tu l'admirais sans ça. Ah oui, parce qu'avec ma mère, on a toujours admiré cette femme. La façon qu'elle dansait, et yo-yo, tout ben ça. Oui, tout le côté festif. Exact. Alors, mon Dieu, alors j'ai dit, mon Dieu, comment je vais aborder cette femme? Parce qu'elle est hyper connue, et puis c'est pas accessible à tout le monde de parler avec Annie Cordy. Alors, quand elle est venue, mais une simplicité. Alors, je vais vers elle, je dis, bonjour, Madame Cordy. Elle me fait bonjour, elle me dit, mais dis-moi, parle-moi de toi, vous êtes qui exactement? Alors je lui dis, ben écoutez, c'est moi qui vais chanter en première partie, et voilà. Et tout, on a sympathisé, et je lui dis, mais qu'est-ce que je vous ai admiré? Et tout, elle me dit, vous savez quoi? J'ai dit, moi j'aime Choc Cacaro, j'aurais souhaité reprendre cette chanson. Ouais. Elle me dit, je te souhaite tout le bonheur, tu le reprends. Elle m'a pris mon adresse. Elle m'a envoyé un courrier, elle m'a signé, elle m'a écrit une lettre magnifique. Elle m'a envoyé les partitions de Choc Cacaro. J'ai fait appel à Cassav et ils m'ont fait le single. Et j'ai sillonné avec Choc Cacaro d'Annie Cordy. Je lui ai donné rendez-vous à Paris quand c'est sorti. Je lui ai donné deux singles à la main et j'ai signé pour elle. Elle est partie une fois sur RFO et elle a parlé de moi. Oui. Grande dame. Oui. Et pas d'égo, cette dame-là. Pas d'égo. Ah là là, ah là là, c'était magique. Elle est magique. Toujours dans la fête, elle est toujours. Ah bah oui, ah bah oui. Elle vieillit pas, surtout. Non, elle va jamais vieillir. Elle est exceptionnelle. Et en 95, il s'est passé parce que tu as été nominée. Oui. On t'a reconnu pour le travail que tu fais. Oui. Et qu'est-ce que ça t'a procuré, tout ça? En fait, quand tu reçois un trophée la première fois de ta vie pendant le travail que tu fais, tu te dis, Seigneur, est-ce que je touche la terre? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et au moins, tu vois que les gens, ils reconnaissent ton travail, la personne que tu es, tout ce que tu fais, mais surtout le travail que tu fais. Mais on s'imagine souvent que l'on travaille dans l'ombre, que personne nous écoute dans le milieu professionnel, donc on ne sera jamais reconnu. Le public est là, oui. Oui. Mais est-ce que nos Est-ce que l'industrie, elle, va me reconnaître à un moment donné? Et quand ça arrive, c'est un cadeau. Tout à fait, je suis d'accord. Mais on sait qu'on fait un travail, on le fait avec notre cœur, notre âme. Et on sait qu'un jour, on sait toujours qu'on sera toujours connu par... parce qu'on a nos fans, on a les fans. Mais il y a toujours les médias qui sont là, il y a des photos à droite, à gauche et tout. Mais il y a toujours une personne qui... qui veille sur ce que tu fais. Ah oui, OK. Et qui va toujours parler des petites choses. Alors tu te dis, bon, ben, ça prendra du temps, mais un jour, je serai sur les projecteurs. Un jour, comme Charles Davos, je serai en haut de l'affiche. Voilà. Et moi, j'ai toujours, toujours, toujours rêvé d'être... Moi, mon idole, c'était Diana Ross. Et je disais, mon Dieu, un jour, je serai comme cette femme. J'ai toujours dit ça. Mais quelle dame aussi, Diana Ross. Ah ben oui, ah ben oui. Est-ce que il y a des... Est-ce qu'il... Étant jeune, tu écoutais quelle sorte de musique? Beaucoup de musique américaine. Et après, quand Kassav est sorti, j'écoutais beaucoup Kassav. Et j'écoutais beaucoup la musique antillaise, la musique américaine, du jazz, du soul, du blues music. J'écoutais tout, en fait. Alors, tu étais inspirée de partout. Voilà, mais j'écoutais beaucoup. Et la musique française, j'écoutais beaucoup... la musique, les belles mélodies françaises que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup la musique française et j'aime beaucoup, j'écoutais beaucoup Edith Piaf, ah oui, okay. J'écoutais Morane, la canadienne, parce que c'était... Non, elle est belge. Elle est belge? Oui. J'aurais pas elle, toujours elle est pensé... comme Annie Cordy. Annie Cordy est belge. D'accord, j'aurais oui. toujours pensé qu'elle non, était canadienne. Non, elle n'est pas québécoise. D'accord. Et, la différence et par contre... La différence entre un Canadien et un Québécois, parce qu'il y a une différence, c'est que oui. le Québécois est francophone, le Canadien est anglophone. Oh, donc nous sommes des Québécois. D'accord. Et il y a des Canadiens comme Leonard Cohen, je ne sais pas oui, si, oui, prêt, si oui. tu connais. D'accord. Lui, c'est un Canadien. D'accord. Donc moi, j'aurais je suis pensé non, qu'elle était Canadienne. Non, Québécoise. Oui, j'aurais non, pensé non. qu'elle était Québécoise. Non, non, d'accord. Pas du tout. Eh bien, j'ai admiré cette femme. Elle fait encore de la musique. Oui, encore, bien sûr. Elle a rendu hommage à Michel Jonas récemment. Tout à fait. À Claude Nougaro aussi. Voilà. Et moi, mon en ce moment, cette personne que j'aime aussi, c'est Isabelle Boulay. Ah oui. Et c'est pour ça que j'ai fait la reprise « Parle-moi ». Et comment ça s'est passé? Est-ce que tu l'as rencontrée pour pouvoir Je n'ai pas rencontré. OK. Et quand j'ai fait la reprise, je l'ai fait avec « J'ai rien changé ». OK. Parce que... Tu as respecté tout ce qui était là. Exactement. Je l'ai juste transformé la musique en zouk. Mais j'ai respecté, mais je rêve. Est-ce qu'elle l'a entendu? Tu ne sais pas non plus. Je ne sais pas. Okay. Mais c'est mon souhait le plus cher, c'est de rencontrer cette belle personne. Mon Dieu! Mais qu'est-ce qui te plaît chez Isabelle Boulay? Cette simplicité. Elle est là, c'est comme si elle n'est pas là, mais quand elle ouvre sa bouche, tu peux que la regarder et l'écouter. Et c'est ça. C'est une Retentir. Belle personne et Retentir. Elle est humble, très humble. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans les médias? Parce que tu as fait aussi de la radio. Oui. Pourquoi tu as abandonné la radio? Ben, en fait, je n'ai pas fait longtemps, j'ai fait juste des petits trucs, mais je pense que c'était pas pour moi. Okay, c'était pas ton médium préféré? Non, non, non, non. Moi, toi, c'est chanter, ah, la oui. voix. Ah oui, moi, c'est le partage, être sur scène et partager cet amour avec un public. Moi, c'est tout ce qui... Mais le public, c'est quand même des gens qui te suivent, qui te connaissent, beaucoup. À travers Zouk, à travers toute Kassav. Oui, oui, oui. Est-ce que quelquefois, tu te regreffes à tes anciens membres, à tes anciens groupes pour des spectacles? Non, parce qu'aujourd'hui... Quand c'est terminé, c'est terminé. Oui, aujourd'hui, il y a tellement de changements dans la musique, par rapport à Internet, etc. Et puis, je pense que j'ai envie d'évoluer autrement. Aller dans des autres horizons et je pense que la musique créole, j'adore, je trouve ça beau, mais il faut que j'élargisse le côté créole parce que j'ai un public européen, beaucoup européen, j'ai un public créole. Mon public créole, ils vont me suivre parce que je vais faire des belles mélodies en zoo pour eux, mais le public européen, ils sont là, ils participent, mais tellement à 200%. Que tu as envie de grandir dans ton univers. Je vais faire du zouk, mais je ne serai jamais internationale avec Pourquoi? Mon zouk. Parce que la musique antillaise, aujourd'hui, elle a eu un coup terrible par rapport à la musique haïtienne. Le compas. La musique haïtienne marche beaucoup plus que la musique antillaise. Et est-ce que tu sais un peu pourquoi? Ou... Parce que c'est nous les compatriotes antillais, qui ont apporté un grand coup de pouce à la musique haïtienne. Aujourd'hui, un haïtien, il sort un album, tous les Antillais, ils courent l'acheter. Mais c'est pas la même chose. Et quand un Antillais sort un album, là, on court. tu galères. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. En ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille en moi souvent te réclamait, presque comme une mère. Tu me portais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots de rêve, je veux crier. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime. D'accord, je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets, même ceux dont un frère est le gardien inavoué. Dans cette maison de pierre, Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre, de corps qui se faisait la paix. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors moi, mon public est plus un public européen qu'un public entier. Mais tu consacres aux autres, tu fais tu prends des chansons françaises et tu la places à la sauce. Voilà. Mais pourquoi les autres, ils s'y ancrent en toi? C'est parce que c'est tes racines profondes? C'est mes racines, c'est mes racines. Voilà. Et puis j'ai envie de montrer aussi que, comme quoi, avec le zouk, même si je fais des reprises de des belles mélodies françaises, je peux la transformer en zouk et je mets une autre ambiance et je mets un rayon de soleil dedans et voilà. Et, mais tu fais aussi, est-ce que tu t'es adonné à faire de la composition personnelle? Oui, beaucoup. J'écris beaucoup. J'ai juste fait quelques reprises. En quelle langue tu écris plus normalement? En français et en anglais, mais plus en anglais que français. Je réfléchis en anglais pour faire en français. Ah oui, okay. Mais est-ce que tu écris quelquefois en anglais puis tu traduis en français? J'écris en anglais, après je traduis en français. Et tu fais donc deux chansons différentes, une en anglais puis une en français? J'essaie de mettre un peu les paroles et puis après je mélange les deux. Je peux faire quelques textes en français, je vais faire un premier couplet en français, après je rentre en anglais, voilà. Est-ce que le zouk est plus facilement audible, entendu? La mélodie est plus facile en français ou en anglais dans la version zouk que tu proposes? Oh, les deux. Par contre, chanter en anglais, ça peut faire plus international. Oui. Parce que les gens, ils comprennent que si je fais en créole, quoique, on peut se créer un imaginaire quand tu le chantes dans une autre langue. Quand on écoute du russe, on s'approprie le texte à notre façon. Oui, d'une autre façon, ça dépend de l'interprétation, la mélodie aussi. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que si je chante en créole, c'est vrai que si les gens ne comprennent pas, oui, ils vont dire oh, je vais pas acheter parce que je comprends pas. As-tu des musiciens qui te suivent en spectacle? Parce que le zouk, ça demande quand même plus que deux, trois musiciens. C'est quoi? C'est une orchestration? Oui, tu peux travailler avec cinq musiciens sur scène. Minimum. Oui. Pour donner l'ambiance zouk. Voilà. Parce qu'il faut, un batteur, il faut bassiste, il faut guitariste, il faut... Est-ce que tu inclus là-dedans les danseurs et les danseuses? Ou si c'est toi qui te place sur scène et tu occupes de l'espace? Ben, quand je suis sur scène, je me déplace et tout, mais quand il y a des danseurs, danseuses, c'est encore une autre. Ah oui, parce que oui. La couleur est festive. Voilà, et puis il y a les couleurs, il y a les foufrous, il y a les trucs, et puis c'est beau, c'est magnifique. Mais ça frôle presque le musical. Là. Oui, le tout à fait. Parce que j'ai regardé t'es vu en spectacle plusieurs fois sur Internet, parce qu'il y a des vidéos qui... Voilà, tout à fait. Et je me disais, c'est musical français, mais version zouk. Version zouk, et les gens, ils adorent, adorent. Mais c'est beaucoup de... Mais ça coûte cher faire des choses semblables. Mais souvent, quand c'est bien... C'est souvent organisé, et puis beaucoup les festivals, justement, avec un artiste africain, avec qui je travaille avec lui en ce moment, il s'appelle Alain Béa. On a un super festival à Gap, le 15 juillet. Et c'est vrai que les gens nous ont vus sur scène, ils ont beaucoup apprécié, et puis là, ils font appel parce que... Ils veulent les trucs festifs et puis l'été, le soleil, t'as envie des... Mais tu sais, quand tu fais des premières parties, là, comme à l'époque avec Pierre Bachelet, là, ouais, tu faisais des premières parties en zouk? Okay. Oui, zouk parce que j'ai refait la reprise de Choka Caro d'Annie Cordy. Je l'ai mis en caribéenne et ça faisait une ambiance. Et puis même les gens qui ne me connaissaient pas, parce que quand je faisais les premières parties, mais ils venaient plutôt parce qu'ils voyaient en tête d'affiche Pierre Bachelet ou bien... comment il s'appelle? On va s'arrêter parce que quand toi tu fais ta première partie, c'est du zouk, donc ça brasse. Voilà. Mais quand Pierre Bachelet arrive, lui, c'est beaucoup plus brélien, ce genre voilà, de terrain. Voilà. Alors, c'est qu'est-ce plus... que ça fait, ça casse? Est-ce que le public... Pas du tout. Au contraire... Tu réchauffais la salle. Je réchauffais la salle. Ah, je mettais une ambiance de tonnerre et puis après les tout gens... Tout le monde était prêt. Prêt, voilà. Mais quand les gens me voyaient apparaître sur scène, ils disaient, mais c'est qui elle? Mais qu'est-ce qu'elle va nous chanter? Et puis quand ils voient que je chante chaud, cacao, et tout le monde est chaud, chocolat, les gens ils connaissent, alors ils participent et c'est un bonheur. Je me sens pas perdue parce que je sais que j'ai fait une reprise. Puis il y a une réponse du public, c'est ça? Voilà. Et c'est comme ça que la fête commence. Voilà, et les gens ils me découvrent et puis à la fin je donne mes cartes postales avec mon nom, ma photo. Et puis après tout le monde me demande à mis sur Facebook et tout, etc. Et puis après petit à petit les gens ils m'appellent, est-ce que vous êtes disponible pour telle date et tout, c'est comme ça. Est-ce que tu rencontrais les artistes qui te proposaient en première partie, comme Pierre Bachelet, est-ce que tu l'as rencontré avant de monter sur scène? Et puis, qu'est-ce qu'il pensait de toi? Oui, j'ai rencontré, parce qu'on était tous dehors, assis, en train de discuter, devant la loge, mais des gens simples. Mais celui qui m'a beaucoup marqué, c'était Dave. Oui, ah oui, c'est, ouais. Ah oui, lui, il m'a... On le voit encore, ce gars-là. Ah oui, oui, oui, c'est une belle personne. Et puis, il va venir, il va mettre la main autour de ton cou, il marche avec toi, il me dit félicitations, il te... Qu'il y en a... Il n'y a pas de hiérarchie, tu ne sens pas qu'il y a non. Des... Non. Mais, mais c'est ça, les grandes personnes. Voilà, c'est ça, les gens simples. Simple, oui. Et oui. Qu'il y en a d'autres, ils vont sourire avec toi, mais tu n'oses pas leur dire bonjour parce qu'ils ne sont pas... L'égo voilà, est là. Voilà. Et Pierre-Pascal avait un égo? Non, très sympa. Très, très sympa. Rien à dire. Mais il y en avait quelques artistes que... qui n'étaient pas très... Mais bon, c'est comme ça. Il ne faut pas blâmer une contrariété. Non. Mais j'ai rencontré pendant... La... Je peux que dire merci à Patrick Sébastien. J'ai rencontré des belles personnes. Des belles personnes. Mais c'est vrai que toi et lui, ça colle bien ensemble. Lui qui aime la fête. Oui, toi, oui, oui, oui. Et puis, grâce à lui, j'ai rencontré encore tellement de belles personnalités. J'ai rencontré un ami qui s'appelle Michel Herbevaux. Et lui, il m'a écrit un titre, Bel Amour, et que j'ai fait le duo avec ma fille. Et oh, ça, c'est c'était. Bien, ça. Ah oui, oui, oui, j'ai rencontré des belles personnes et grâce ta fille à Patrick. Fait aussi la même métier que elle chante aussi. Mais quand elle t'a dit, maman, je veux être chanteuse, je veux faire la chanteuse, est-ce que tu lui as écouté, ma fille? Je fais le même métier, je sais que c'est difficile, fais attention. Non, non, non, je lui ai simplement dit, fais tes études. Finis ton bac. Voilà. Ah, la phrase classique. Voilà. Elle a eu son bac et tout, et puis après, bon, ben, elle aime ça, elle aime ça. Est-ce qu'elle monte souvent sur scène avec toi? De temps en temps, là, elle a fait récemment la foire de Paris. Eh bien, elle a découvert un public énorme. Elle était hyper contente. Hyper stressée? Non, ah pas non? du tout. Ah? Pas du tout. T'es-tu une traqueuse, toi? Oui. OK. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe avant la scène? T'es malade? Tu te sens pas bien? J'ai transpire beaucoup des mains. Ici, ça... Je bois rien. Je okay. ne mange pas pendant un jour. Et... Non, mais ça te visse ici. Hein, ah oui, mal, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Et j'arrive même pas à manger. Pendant un jour, je ne mange pas. Parce quand... que je sais que ça va arriver. Oui. Après, je transpire beaucoup des mains. Et une fois que je suis sur scène, c'est fini. Tu danses je fais bonsoir, mon public est là. Là, c'est terminé. C'est fini. Là, le côté festif embarque. Ah, et tu ouais. vois les gens aussi qui collent la barre. Ils sont ben là oui. pour avoir du plaisir. Ben oui, ben oui, ben oui. Et puis surtout, on vit dans un monde tellement difficile, tellement dur que toi, tu es le soleil. Oui, et puis ils ont besoin d'amour, ils ben ont oui. besoin d'être aimés. D'oublier. Voilà, leur d'oublier leurs soucis. Et puis tout dépend comment tu te présentes à ces gens-là. Quels sont les mots que tu trouves pour les réconforter? C'est comme beau. Le zouk, j'en écoute, mais je suis vraiment pas un grand. Voilà. Comment dire, un grand maître du zouk. Voilà. Est-ce que ça donne la place à l'improvisation? Si, quand même, ça, ça. Le zouk, c'est une musique tellement ambiancée. Et il y a aussi le zouk, le côté très doux. Quand tu écoutes et tu comprends les paroles. Est-ce qu'on peut danser un slow sur du zouk? Mais c'est toujours comme ça. Le zouk, c'est une danse, il faut juste un carreau. Tu as juste un carreau et tu ne bouges plus. Okay. Ça s'appelle le zouk collé serré. Oh oui. Voilà. Uh-huh. Comme la chanson Jocelyne oui. Béroir comment il s'appelle Philippe Laville. Philippe Laville. Oh, voilà. Ça fait longtemps que j'en ai pas entendu voilà. parler de Philippe Laville. Voilà. Tu l'as connu sans doute parce que vous avez si, à peu près la même oui, style. On était ensemble pour. On s'est vus il y a 2 ans. On a fait des belles photos et tout. Oui. Mais le zouk, donc, prend plusieurs styles, autant le slow que le collé serré, que le côté festif. Oui, et puis aujourd'hui, il y a. La jeune génération qui ont fait du zouk, mais un zouk un peu R&B, rap. Et puis, comment tu trouves? C'est moins ta tasse de thé, hein? Oh, ça ressemble plutôt à ma fille. Mais elle n'est pas du tout dans le zouk. Elle, c'est plus le côté R&B. Okay. Voilà. Et mais est-ce que tu aimes quand même ce que tu as si, fait? Si, si, si, si, si, si. Mais moi, je trouve bien ça change un peu de... Parce que, comme c'est j'ai l'évolution. Dit... l'évolution? Oui, ça a évolué. Et le zouk, il y en a beaucoup qui chantent le zouk. Mais ils n'ont pas ce zouk rétro comme avant. Voilà. Bon ils ont voulu zouk, changer le ah, système. Ouais, ouais, okay, okay. Mais il y en a, ça passe et d'autres, ça ne passe pas du tout. Est-ce que ta fille chante en français? En français et en anglais. Mais elle aime chanter en anglais. Comme sa mère? Oui. Comme sa mère? Oui, oui, elle aime mais beaucoup en anglais. En entendant des. Étais-tu du genre à chantonner tout le temps, toi, chez toi? Pour... C'est pour ça que ta fille a eu la piqûre. Ouais. Est-ce qu'elle te suivait dans les loges? Elle petite, te oui. Ben, oui. Elle avait 6 ans. Écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagnon. Yeah, yeah, yeah, yeah! yon moun ap travay. Gen de jou leve a fel mele. Pou ki rezon pran tèt mwen. Si m gen, si m pa gen, mwen pa mele. Gade jan mose bouche mwen. Pou vin fè nou eme la vi. Chante, danse, le week-end nou jist an ale. Allô Coco, où t'en es? Isley. Et puis tout le monde qui a chanté. En allez. Venez en plaisir, oui plaisir gagné. Plus nous chanter, c'est plus que papa chanter. Faites la table chauffer là. Gardons plaisir, oui y'a pas fêté. Nous pas fêté. Quitter misère la vie, fais nous décourager. Prends plaisir nous, danser, danser nous. Gardons plaisir maman moi, quitter me prend plaisir moi. Elle les voyait. Elle côtoyait les artistes, puis là, les artistes s'amusaient avec. Oui, je l'emmenais partout. Partout avec moi. Et cette fille-là, ça lui a donné... Elle a été bercée dedans. Ah oui, c'est donc, elle ne pouvait pas faire autre. Elle a été bercée dans la musique. Donc, tu étais contente parce que tu as appris, maman, je veux faire de la musique. Oui. Ah, oui, ma oui. fille, je suis. Et puis, elle a fait l'école de musique. Je l'ai inscrite. Elle a une forme classique, elle a une forme musicale. Elle a appris. Ah oui, académique. Oui, oui. Elle a fait quand même 4 ans de. Et toi, as-tu ce genre de formation-là? Non, moi j'ai pas. Moi j'avais commencé à prendre un peu les guitares et tout. Après j'ai pas eu beaucoup de temps, alors j'ai arrêté. Mais ma fille, non. Elle a l'oreille, elle chante. Est-ce qu'elle te parle un peu de ce que tu fais, maman? Moi je fais ça comme ça parce que. Oui, tout le temps. Ah oui, ok. Alors c'est ton premier public. Ah ouais, mon premier fan. Mais et... depuis les 6 ans, quand elle avait 6 ans, est-ce qu'elle te disait « Maman, j'aime ça, maman, je... » Elle me disait « Oh là là, maman, t'étais trop belle. T'as vu comment tout le monde te regardait et tout. » J'ai chanté avec elle jusqu'à 8 mois de grossesse. Oh, ok. Oh, donc il y avait la fête là-dedans. Ouais. La vibration était... Et oui, t'as presque accouché sur scène. C'est clair. Ah, c'est bon. Clair. Oui. Et puis ta fille, comme elle te ressemble, comme elle suit tes traces, mais de sa manière... En prenant son style, en prenant... Style et sa génération. Donc, tu es quand même fière de ce qui se passe. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Et puis, quand je la vois sur scène, je suis comme ça, je la regarde. Oh, je dis, mon Dieu, c'est ma fille. Puis quand tu vois le public, elle est à sa place. Ah vraiment... oui, tout à fait. Et là, tu viens, tu vois la pêche. Après, quand c'est fini, je dis, je l'appelle. Et puis, j'ai un petit surnom que je l'appelle Nounou. Nounou? Nounou. Et puis elle me dit, maman, m'appelle pas comme ça devant les gens. Ah ouais, la voilà. Elle a quoi, 22, 23? 22 ans. Elle vient d'avoir ses 22 ans. Puis je lui dis, mais Estelle, qu'est-ce que tu étais belle sur scène. Et tout. Mais elle est tellement simple. Elle n'aime pas qu'on lui dise qu'elle est belle, qu'elle est. Ouais, mais pour une maman. Ben oui, ben. Voilà, mais elle est belle. Enfants, elle est jolie. Ah c'est une jolie fille. Donc, elle bouge sur scène comme sa mère. Elle danse et tout. Et quand tu la regardes, est-ce que tu te vois à son âge? Oui. Et la chanson que Michel Herbevoix, il a écrit, il l'a mis à Patrick Sébastien, ça s'appelle « Bel amour ». C'est une réponse à ça. Exactement. Ouais. Parce que après il y a un moment où ça dit « Avant toi, je change de destin, je te prends la main vers demain, pied gauche, pied droit, tu marches déjà, et tu aimes mes contes d'autrefois ». Au début, ça dit « Avant toi, une jeune fille charmante rêvait d'être une star montante, chanson studio ». Musique de fou, hit parade au rendez-vous. Après, elle répond, avant toi, tes désirs d'ado mélangeaient tous les scénarios. Avant toi, tes désirs d'ado mélangeaient tous les scénarios. Tête d'affiche à l'Olympia et mère au foyer comme autrefois. Ouais, elle est belle cette chanson. Mais est-ce que c'est difficile à chanter parce que l'émotion arrive quand tu vois arriver ta fille et qu'elle chante en duo? As-tu de la difficulté à... Non, Non, mais je la vois. Moi, je commence la chanson et après, elle commence et je dis, mon Dieu, regarde-moi ça, quelle beauté et quelle fierté de chanter avec ma fille. Parce que c'est pas donné à tout le monde de chanter avec son enfant. Non. Et en plus, quand je la vois, je dis, mon Dieu, alors je suis très croyante et je dis, Seigneur, faites qu'un chemin s'ouvre pour elle comme moi, je ne l'ai pas eu. Parce qu'à l'époque, bon, mes parents étaient assez sévères et tout. Mais après, je me suis quand même battue pour arriver où je suis. Je me suis vraiment battue à fond. Mais quand je la vois, et puis rien que le duo, et ça me ressemble cette chanson, parce que c'est ce que j'ai toujours rêvé. Mais lorsque tu as rencontré ce parolier assez extraordinaire que l'on connaît, est-ce que tu lui as raconté un peu ce que tu voulais comme chanson? Si c'est lui qui regarde, là, je sais que tu as vécu une histoire. Non, je lui ai raconté mon histoire. Tu es venu comme ici, là, parler un peu de ta vie. Et puis après, à travers tout ça, il a écrit la chanson. Mais quand tu es arrivé, là, il t'a proposé de dire, regarde, j'ai la chanson, tu l'as lue? J'ai pleuré. Ben oui. C'était moi. Ben oui. Après, je l'appelle, je dis, mais Michel, comment tu as pu écrire comme ça? Comment tu as pu comprendre ce que je voulais dire? Il m'a dit, ben écoute, écoute, c'était tout droit, tout était écrit, tout était à travers tes yeux, ton regard. J'avais juste à placer ça sur une feuille. Exactement. Et tellement de personnes nous ont félicités. Et là, maintenant, on doit tourner notre clip. On va tourner le clip. J'ai hâte de voir. On va préparer le clip sur ça. Est-ce que cette première chanson va peut-être s'ouvrir sur d'autres pièces musicales à venir avec cet auteur? Même sur un album? Dieu seul sait. Dieu seul sait. Travailles-tu beaucoup la musique ou si c'est. Ou si tu, malheureusement, parce que ça coûte très cher, hein, tu vois tous des musiciens, tu fais ça rarement ou comment ça fonctionne? Ouais, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, tellement de choses ont changé et puis aujourd'hui, ça demande beaucoup d'argent. Mais mon souhait, c'est que si je fais le clip, je veux le faire sur scène. OK! Un clip live? Oui. Ah, ça, c'est beau, ça. Je veux faire sur scène. De un, ça coûte pas cher. De deux, l'émotion est là. De trois, la magie de la scène. Et de quatre, on peut voir ce que tu... Et je veux qu'il y ait des gens qui vont venir bénévolement, qui vont venir, accepter de venir, remplir la salle. OK, c'est ça que je veux. Je comprends. Un faux spectacle. Un faux spectacle. Mais des gens que t'aimes, donc c'est des gens qui vont être aussi Exactement. Effervescents. Exactement. Exactement. Et c'est quand ce clip-là? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. On va essayer peut-être de le faire avant la fin de l'été. Voilà. Ah, j'aurais aimé ça faire partie de... Mais c'est ça, c'est ça. Ben, j'aurais été... Oui, exact. Donc, as-tu beaucoup de projets? Es-tu une femme à mille projets? Oui. Est-ce qu'on on doit t'appeler pour chanter dans des spectacles? Oui, les gens m'appellent beaucoup. Mais aujourd'hui, ça devient difficile parce que des fois, les gens, ils voient tout ce que tu fais et il y en a qui ne veulent pas te payer. Ils te disent... Voilà. Et puis, il y a des moments, ils te disent, bon, ben, je te paye tant. Tu demandes ta prestation. Ils te disent, OK. Et la salle, elle est pleine. Mais au moment où, des fois, tu termines, ils te disent, est-ce qu'on peut pas enlever 200 euros? Tu donnes ton temps, ton énergie. Un public qui est hyper content. Chaque travail mérite salaire. Ouais. Mais bon, des fois, je dis, d'accord, pas de souci, parce que, bon, tu ne veux pas avoir des histoires. Ton image, tu dois le respecter. Mais pourquoi tu signes aucun contrat avec le montant indiqué? Avec les Européens, j'ai toujours un contrat. Okay. Ouais. Avec Moumier, j'ai jamais de contrat. Okay. Et c'est ça la chose. Ouais. Est-ce que notre milieu est très difficile. Ouais. Pas sérieux. Pas sérieux. Est-ce que tes racines restent encore viscérales? Est-ce que tu vas chercher souvent dans tes... Les profondeurs? Pas vraiment. Des fois, je discute beaucoup avec ma mère. Que ma mère, elle a grandi en Guadeloupe, dans son milieu. Elle est où actuellement? Elle est là, elle est aux Antilles. OK. Et des fois, on discute de certaines choses quand elle était gamine, etc. Et des fois, je prends mon téléphone, j'enregistre tout ce qu'elle dit sans qu'elle sache. Oh. Voilà. Et après, je l'écoute plusieurs fois pour voir comment je peux parler de... Exactement. Okay. Et ça se fait comme ça. Sinon, j'arrive à trouver l'inspiration à travers des enfants qui souffrent, parce que je vais beaucoup en Haïti, ouais. Les enfants en difficulté, je vais en Afrique, et à travers tout ça, j'arrive à écrire des trucs avec beaucoup d'émotions. C'est un côté humanitaire tout à fait exceptionnel. Tu vois souvent pour des causes gratuitement, oui. Histoire de ramasser des fonds, parce que oui. Tu veux que tu sers aussi à ça, à améliorer le sort du, oui, c'est vrai. Du citoyen. Et là, je me suis lancée c'est dans une femme de autre... cœur. Que... Oui, mais je pense que c'est Dieu qui fait que... Et là, on a l'association Le Sport au profit des handicaps. Je ne sais pas si tu as vu sur oui, ma page. Ben oui. On a récolté 8000 euros. C'est beau. C'est voilà. Beau. Et le président, il a voulu absolument que je tienne ce gros chèque. Oui, oui, oui. Voilà. Commémoratif. Alors, les 8 000 euros, on a partagé en deux pour deux associations. On a donné 4 000. Et l'argent, 100% de l'argent va là. Ah oui, et nous, on sait où. Alors, l'année dernière, ce qu'on a fait, nous avons acheté un fauteuil roulant pour un petit garçon qui est handicapé. Et cette année, on les a proposés à venir en Haute-Savoie. Et il sera avec une famille qui ont... un hôtel aménagé pour les enfants handicapés et il part une semaine. Vous lui offrez des vacances en un mot. Oui, il n'a jamais vu la neige, le ski, etc. C'est merveilleux. Ah bah oui, c'est trop mais bien. Et toi, ça te touche des réseaux. Ah bah oui. Parce que tu es ici pour améliorer j'aime le sort. J'aime pas les gens qui souffrent. Ouais. Et c'est parce pareil. Que, est-ce que c'est parce que dans ta vie d'enfant, tu as souffert ou tu as vu les autres souffrir? Oui, parce que moi, j'ai grandi dans une belle famille, bien. Mais pas riche. Pas riche. Pas du tout. Mais une éducation. Okay. Et chrétienne. Puis un respect. Chrétienne. Oui. Ouais. Et un respect. Every day I cook, I wash, I clean, I send my children to school. Never have no time for me. Each time this man, he wants something. From Monday to Friday, Saturday to Sunday. Don't know what I'm gonna do. All that I know, I have to go. I told you, my baby, my sweetness, my honey. So sorry for everything. I do my best, I'm proud of me. Never do anything. All that he wanted. is to be free. He's not so lovely, only send me crazy. Don't know what I'm gonna do. All that I know, I have to go. I do do my baby, my sweetness, my honey. I told you, whoosh, chérie. Nestor à zéro. Cold by bon combat, bon combat, bon combat. Watch out. Encore, encore, one more time. Bon combat, bon combat. Haïti, mettez chez eux là. Quartier, ils n'avaient pas grand chose. Alors ma mère, comme elle faisait beaucoup le pain, alors elle faisait le pain, elle disait tu emmènes pour ce panier là, c'est pour telle personne. Et ces enfants là, tous les enfants du quartier, ils appellent ma mère jusqu'à aujourd'hui maman. Et il y en a qui sont mariés, qui ont eu des enfants, des petits enfants, etc., etc. Et ils viennent toujours la voir. Et ça parce vient que de ta mère, donc oui, ce cœur-là. Oui, oui, oui. Et quand on était gamin, ils vont la voir aujourd'hui. Tout le temps, il reste des heures à discuter avec elle, mais il s'éclate. Mais c'est une reine chez elle actuellement. C'est une reine du village. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Et puis il y a combien de personnes dans ce village-là? C'est une grande ville quand même, mais il y a plein de petits chemins. Et nous, on est dans un chemin où il y a l'ancienne école, la première école de mon quartier, où tous les gens étaient à l'école, etc., etc. Et qu'ils ont eu des enfants, ils sont âgés. Et ma mère, quand elle est arrivée à Saint-Martin, elle a été reçue par une famille, la famille Glasgow, qui l'ont beaucoup appréciée. Et cette dame, elle est décédée. Et quand on était enfant, quand ma mère était, elle partait au travail, eh bien, cette dame, elle faisait attention pour qu'on rentre directement à la maison. Ah, c'est bien. Et cette dame-là, elle a appris ma mère à faire le pain. Ah oui? Oui. Ouais. Et voilà. Mais elle est rentrée à quel âge ta mère actuellement? Maman, elle a 77 ans. Mais bien, hein? Elle est en pleine forme? Ah oui, ah oui. Est-ce que... Elle cuisine beaucoup. Est-ce que tout ça a changé? Est-ce que ce coin-là a changé depuis des années? Oui. Pour le mieux ou... Oh, je ne dirais pas pour le pire non plus, mais ça a beaucoup changé parce qu'avant, on n'avait pas beaucoup de maisons sur les terrains. Ils ont beaucoup construit des petites maisons et tout. Mais ça va, ça va. Est-ce que c'est aussi pauvre ou s'il y a encore... Non. Non, c'est aussi pauvre. Non, c'est pas pauvre. Mais ça l'était à un certain moment donné. Saint-Martin? Oui. Moi, à ma connaissance... Non, ah non? Okay. Non, parce que c'est où on a les plus riches Américains. Non, Saint-Martin, ça a toujours été un des meilleurs endroits de toutes les Caraïbes. Mais bon, maintenant, ça a changé, les années ont... Et puis, faut dire aussi, il y a beaucoup de délinquants qui rentrent. Oui, ben oui. Alors, les gens, ils ont un peu de plus en plus peur, il y a la drogue. Ah ben voilà, comme partout. Mais Saint-Martin a été un des îles les plus riches et Saint-Barthélemy des Caraïbes. Ah oui, Saint-Barthélemy. Oui. Voilà, et Saint-Martin a sillonné, Saint-Martin a brillé. Bon, il y en a quand même, hein, mais je veux dire, ça a changé. Mais nous, avant, on avait par jour, on avait des bateaux de combien de mille Américains qui rentraient. Mais c'était aussi à Merdin, c'était... C'était magnifique, ah, c'était okay, magnifique. Tu trouves extraordinaire, oui. Ah oui, il y avait beaucoup d'argent. Beaucoup. Ah oui, c'est ça, ok, parce qu'eux amenaient l'argent. Ils ah, amenaient oui, l'argent, okay, et puis les gens roulaient dans les plus belles, les Porsche et ah, les... Oui, oui, okay. Bon, il y en a toujours, hein, il y en a. Mais c'est Merdin. Ta mère reste pas là? Est-ce qu'elle reste là, ta mère? Elle habite là? Elle habite, oui, okay. Mais ma mère n'a jamais été la femme sophistiquée. Elle a eu une belle maison, nous a bien élevés. Mais on a eu un respect et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, je suis comme ça. Et toi, depuis le début que tu fais du zouk, as-tu vu une évolution dans ton style ou tu veux toujours rester dans le même, dans la même sonorité? Ah non, non, non, j'ai changé carrément. Ah oui, oui, oui. Moi, mon rêve, c'est de trouver un auteur à la musique française, même si j'ai un accent, mais de chanter d'autres mélodies, d'autres façons. Non, non, non, je suis version pas restée. Toujours version zouk? Non, non, non, pas du tout. Ah non, ok, abandonner le zouk. Ou en tout cas pas l'abandonner, mais faire pas autre chose. Pas abandonner, mais faire autre chose. Oui, complètement. Moi, j'aime la belle chanson française. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre dans cette direction-là ou pas encore? C'est long? C'est lent? Ben, j'ai pas trouvé vraiment la... La personne? La personne. Je peux toujours travailler avec la personne qui a écrit la chanson Bel Amour. Oui. Mais c'est déjà une autre génération que moi, j'aurais aimé un auteur plus comme Schledid. Tu connais? Mathieu Schledid. Voilà. Okay. Moi, c'est mon rêve. Et est-ce que tu l'as déjà rencontré? Non, jamais. Mais tu vois en lui tout le côté festif que tu... Tout à fait. Ah, c'est un génie. Bah attends, c'est le meilleur. Ouais, ouais, ouais. Moi, si il m'écrit juste un titre, je suis la femme la plus heureuse et je peux mourir demain. C'est pas un problème. Est-ce que tu prépares un nouvel album ou oui. C'est toujours... Oui, je suis en pleine préparation. Hier, j'étais en studio. Et quand puis, j'ai quitté le parc de Vincennes, je suis entrée en studio. Et puis, comment ça se passe? Très bien. Très, très bien. Et est-ce que c'est l'angoisse actuellement, là, parce que tu prépares quelque chose, tu sais pas comment ça... C'était un peu angoissé parce que, bon, tu te dis, je relance encore un autre défi. Et la musique aujourd'hui ne marche pas très, très bien. Mais bon, moi, j'ai de l'espoir que ça reviendra comme c'était. Mais je suis obligée parce que j'ai mes fans. Et quand je chante dans des festivals, dans des endroits, ils achètent mes albums. Et est-ce que c'est une maison de disques qui te signe ou si c'est toi qui... Avant, j'étais avec une maison de disques. Mais tu touches plus, tu touches pas parce que tu dépenses tout l'argent. et à la fin, on te paye 6 euros un CD. C'est pas possible. Tu vas dépenser, faut compter au moins 8 000 euros, tu dépenses à 10 000 euros, parce que maintenant tu arrives à négocier. Une fois que tu as payé la SACEM, etc., tu peux avoir de moins cher pour faire au moins 5 000 albums. Ça te coûte quand même un peu moins cher. Donc, mais, c'est toi qui t'auto-produis? Oui, tout à fait. Et puis comme ça, quand tu fais des spectacles, je vends mes CD. Ben oui, c'est mieux. Et même des fois, je marche dans la rue, des gens qui m'arrêtent parce que j'avais fait une émission sur M6 et sur TF1. Oui. Et les gens, ils me croisent dans la rue n'importe où. Et ils me disent, oh, c'est Lydia Lorenz. Et puis ils viennent vers moi et puis ils me disent, tu n'as pas un CD sur toi? Oui, et ben ils achètent. Ah, c'est bien. C'est oui. Bien parce que c'est ça, c'est la communication. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Surtout quand tu fais un disque, il faut montrer aux gens que l'on est encore là et qu'on est vivant et qu'on fait des spectacles. Exactement, donc, exactement. Nous sommes, on a encore choisi de prendre le micro et on n'a pas abandonné. Ah non, c'est ah ça. Non. Ah, c'est trop beau. Est-ce que la flamme est encore aussi intense? Moi, si je ne chante pas, un week-end, je peux ne pas chanter, mais pas deux week-ends. Je suis malheureuse. Tu fais combien de spectacles par année? J'en sais rien. J'en fais beaucoup. Je ne sais même pas. Et seul ou mais aussi avec des groupes? Ou Oh, des fois avec des groupes, mais la plupart du temps, seul. Oui. Est-ce que tu travailles aussi avec des bandes? Je travaille sur bande. OK. Alors, il n'y a pas de musicien? Il n'y a pas de musicien. J'ai mon public en face et j'ai des danseurs, alors je me donne à fond. Est-ce que tu espères un jour, parce que la frénésie du groupe, c'est intéressant? C'est ce qu'on fait là, pendant le festival. Quand tu enregistres des chansons, est-ce que c'est dans le mode vivant, c'est-à-dire que tout le monde, tous les musiciens sont là puis on y va, ou c'est chaque track cache... Non, tous là. OK, donc c'est une prise. Voilà, tout à fait. Es-tu du genre à être difficile quand tu fais un album? Reprends-tu souvent les chansons ou tu gardes la première parce que c'est la plus... Non, je suis pas difficile. J'aime bien juste que les choses soient bien carrées, bien faites, bien préparées. Mais je ne suis pas difficile, au contraire. Je rigole tout le temps, je suis contente, j'ai toujours le sourire et on s'éclate. Et c'est ça qui est plus important que tout. Puis les musiciens, est-ce que c'est des musiciens de la Guadeloupe ou tu peux en avoir de Paris, de Suisse? Non, mes musiciens, ils sont d'Afrique. Ah oui, oh, OK. Oui, c'est toujours je travaille beaucoup. Non, ça, on peut changer. Il y a par exemple, s'il manque un guitariste, on peut changer. Okay. Mais je travaille beaucoup avec les Africains. Et c'est des Africains vivant à Paris ou des Africains vivant en Afrique? Non, ils habitent ici. OK. Oui. Okay. Et puis un musicien, tu lui donnes une partition. Il est musicien, que ça soit du zouk, ouais, ou ça soit du jazz. Quoique un Africain, c'est les racines qui parlent voilà. De combien. Ah bah voilà. Et ils ont le même tempo. La sonorité. Et puis ils donnent une ambiance terrible. C'est comme Magic System. Mais ça, il y a quelque chose qui se passe dans un studio. Oui, c'est clair. Est-ce que tu es du genre à garder, comme je te disais, la première prise? Ou si tu veux, on ne sait jamais, on va en faire une autre. Non, je ne garde jamais la première. OK. On va la sauvegarder. Mais on va refaire, parce que dans la première, il y a des choses qui sont magnifiques, mais dans la deuxième, on peut toujours prendre, ah oui, remettre, okay, vice-versa. Okay, voilà. Oui, on va réécouter ensemble, puis on va dire, ben, si on voilà. Va améliorer ça, on va... Voilà. Puis sur scène, comme c'est des bandes, tu ne peux pas trop improviser. Non, tout à fait. Mais ça coûte moins cher aussi. Beaucoup moins cher. Avant, c'était trop, trop cher pour réaliser un album. Je me rappelle, mon premier album, j'ai dépensé 100 000 francs. 100 000 francs, mon premier album. Est-ce que tu en vis facilement ou si c'est compliqué? C'est compliqué quand même, hein? Je ne sais plus comment te dire. Je ne trouve plus les mots. Ces mots qui te faisaient rire et ce que tu trouvais beau. J'ai tant de fois voulu t'écrire et tant de fois courbé le dos pour revivre nos souvenirs. J'ai même aussi frôlé ta peau. Oh, dis-moi. Comment t'aimer et comment te garder? Parle-moi, d'amour qui n'en est plus. Je ne sais plus que souffrir, souffrir autant que j'y ai cru. Mais je sais qu'il me faut survivre et avancer un pas de plus pour qu'enfin cesse la dérive des moments jamais perdus. Oh dis-moi, regarde-moi, il y a la vie dont on rêvait, celle qui commençait. Parle-moi, parle-moi, je ne sais plus pourquoi t'aimer. J'aurais choisi l'époque d'Édith Piaf. Ah ouais, pour la rencontrer, pour chanter avec. Exactement. La chanson d'Édith Piaf qui te plaît. Non, rien de rien. Ah oui, ah oui. Je ne regrette rien. C'est vrai, c'est vrai. Je ne regrette rien de ma vie aujourd'hui. Non. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, je fais ce que je peux pour aider et pour moi et pour ma famille, mes enfants, les gens que j'aime, que je rencontre tous les jours. Parce que tous les jours dans ta vie, Dieu, il t'envoie quelqu'un de merveilleux comme toi aujourd'hui. Oh. Non, mais c'est vrai, et comme Alain, et tu sais que j'ai jamais rencontré Alain. Ah non? Non? Ok. C'est juste sur Facebook. C'est sur Facebook. Mais tu l'as rencontré hier, il n'était pas là hier? Non, il ne pouvait pas. Ok. Il arrive que demain. Oui, ok. Pour toi. Ok. Et c'est à travers d'une amie que j'ai beaucoup aidée, qui connaît Alain, et on s'est demandé amis sur Facebook par rapport. Tu lui as jamais parlé de vivre, ouais. On se parle. On est tout le temps. Ok, mais au téléphone aussi. Au téléphone. Okay. Ah oui, oui, oui. Mais on ne s'est pas encore rencontrés. Mais pourquoi vous parlez? Qu'est-ce qui se passe entre vous? On se parle beaucoup. Il partage. Mais il m'a dit, tu es une femme incroyable. Et quand il a vu ce qu'il va faire avec toi, il m'a dit, écoute, je vais parler de toi parce que oui, tu c'est mérites. Exactement ce qu'il a fait. Et voilà. Ouais. J'ai dit, Alain, mais merci pour tout ce que tu fais pour moi, mais tu ne me connais pas. Et ça, il me dit, non, je n'ai pas besoin de te connaître en physiquement. Pour savoir cette belle personne que tu es. Ah, c'est beau. C'est beau, hein? Ah, l'humanisme, c'est ça. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Si tu étais un mot. J'aime. Aimer. C'est pour ça la chanson dit aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ah, c'est pas aimer. Que je connais, oui, la chanson de. Mais moi, c'est aimer en perdre la raison, c'est Jean Ferrat. Ah ouais. Aimer en savoir que dire. Voilà. C'est beau ça. Ah. Si tu étais un aliment. Un aliment, c'est ce qu'on mange. Oui. Ben, du riz. Ah, toi aussi. Mon invité avant, c'était du riz. Ben oui, parce qu'avec... Bon, nous, vous êtes dans le riz. Avec un verre de riz, je peux nourrir combien d'enfants. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Si tu étais une saison. L'automne. Pourquoi l'automne, les couleurs? Ah, ces couleurs de... Quand j'étais à Montréal, oui. Ces feuilles de toutes les couleurs, j'ai dit, mon Dieu, c'est trop beau! C'est vrai, c'est beau. Ah oui. C'est vrai, c'est vrai. Si tu étais... Es-tu passé par Québec? J'étais à Montréal. Oui, mais pas Québec. Pas Québec. Okay. Si tu étais un membre corporel? Un cœur. Ah ouais, ah ouais. Et tu es une femme de cœur, donc ouais. Ça va très bien. Un cœur. Si tu étais un moment de la journée? un moment de la journée. Un moment de la journée, un moment de ma journée, un petit shopping. Non, non, non, non, l'après-midi, le jour, le soir, ah, la nuit. Ah, le un moment. Moment. Ouais, le moment. Plutôt le soir. OK. Pourquoi tout est terminé? Parce que je finis de faire tout ce que j'ai et je vais me détendre. Et le soir, tu rencontres des gens, il y a les petites lumières tamisées, un sourire. Les gens sont plus zen. Oui, mais pour toi aussi, souvent, le soir, c'est le spectacle. Oui, c'est le spectacle, mais même quand il n'y a pas le spectacle, mais je suis dehors et je regarde les sourires. Et puis, est-ce que tu es le genre de femme à prendre un petit apéritif, à profiter un peu de la vie? Je ne bois pas, c'est pour ça que j'ai pris un coca. Okay, tu es une fille qui est sereine, qui fait attention à toi. Je ne bois pas d'alcool. Okay. Tu n'as jamais bu d'alcool? J'ai jamais bu d'alcool. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu n'as aucun intérêt? Non. Comme tu ne fumes pas non plus, donc c'est merveilleux. Est-ce que tu fumes? Ah non, pas du tout. Ah, mais voilà, tu es une femme qui va Je ne bois pas. J'ai jamais essayé de boire. J'ai jamais fumé. Ah, c'est bien. Tu iras loin. Non, ça ne veut rien dire. J'ai des amis qui n'ont jamais bu, jamais fumé. Ils sont malades, alors. On respire de la merde, non? Mais oui, c'est ça. C'est pas... Nous, on ne fume pas, mais dans le temps, les clubs, c'était... Les voitures nous fument ça en plein visage. Exact. Si tu étais un autre individu? Si j'étais un autre individu, j'aurais été... Oh, je me serais bien incarnée dans Isabelle Boulay. Encore? Oui, j'aime cette femme. Ah oui, ah oui, ah oui. Je suis fan d'Isabelle. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Pas le même chemin. Elle a eu un bel parcours. Elle a eu un Non, mais toi, avoir ça, est-ce que tu fais le même chemin? Oui. OK. Oui. Sans rien changer. Sans, ah ben oui, tout à fait. As-tu beaucoup de projets? Oui. Mes projets. Il y a l'album que tu caresses, que tu prépares. Mes projets, c'est là. C'est de terminer mon album et de commencer à travailler des lives. Ben ça va se terminer en septembre et on va le préparer pour la sortie de décembre. Pour Noël? Noël. Est-ce que es-tu bien avancé? Il y a beaucoup de chansons déjà préparées? Tout est fini. OK. Tout est fini. Et là, on tu a... fais juste des chœurs, tu rajoutes des trucs? Tout est fini. Il y a juste le chanteur. Comme il faisait beaucoup d'allergies, il n'a pas pu poser sa voix. Okay. Mais il n'a pas besoin de moi pour aller poser. Moi, c'est déjà fait. OK. Toi, ça s'est terminé hier. Terminé hier. Et lui, il aura juste à aller quand il ira bien, poser sa voix. Et après, ils vont mixer, masteriser. Et après, on aura juste les photos. Ouais. Mais sur l'album, comme l'ami de Hugues, il avait fait des photos à la foire de Paris. Il y en a une photo avec le chanteur et moi en complicité. Ah oui. Je la mets à l'intérieur. Ah oui, OK. Et moi, je vais faire une photo personnelle. Et après, on va commencer à travailler avec les musiciens. La répétition, tout pour faire un grand live. Alors, je prépare un grand live à Paris en février. Est-ce que la salle est déjà réservée? C'est la Boule Noire. Ah oui, c'est une belle salle, ça. Je ne la connais pas. Ah non? Non. Écoute, c'est merveilleux. C'est très, très, très invitant pour danser. D'accord. C'est... Tu ne connais pas la Boule Noire? Non, non, non. Ben, écoute, tu peux aller La voir. Personne avec qui je travaille, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Oui, oui. Et il est en train de mettre en place, alors ça va être pour le mois de février. Un soir. Et ça peut être deux soirs, mais on verra. Ça va être mon premier live, on peut faire un soir. Avec des bandes ou des musiciens? Ah non, un musicien. Ça va être mon premier ouais, live. Mais là, t'as un budget ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as gagné à la loterie? Non. Non, non, mais lui, il a déjà fait des artistes dans cette salle. OK. Voilà. Chers amis, si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.